seul souci. Mais pas d'inquiétude, cher petit homme. Fais penser tes idées, c'est Babylone ici. Mais quand viendra le temps de la récolte, mais quand viendra le vent de la révolte, où seras-tu, qui seras-tu et seras-tu? Le visage de ton père te fait face. Et plus aisé, plus tranquille de te détourner. Tu préfères ramper comme une sage grimace. S'il vous plaît, évitez-moi de penser. Mais quand viendra le temps de la récolte? Mais quand viendra le vent de la révolte? Où seras-tu? Qui seras-tu? Et seras-tu? Confronté à la vie, ton cœur se rebelle. Pourquoi subir, te traîner, te prélasser? À quoi bon, l'important c'est de s'éveiller. Tu espères, tu aspires, tu appelles l'essentiel. Mais quand viendra le temps de la récolte? Mais quand viendra le temps de la révolte? Où seras-tu? Qui seras-tu? Et seras-tu? Puisque à la fin tout se meurt, parce que souvent termine en pleurs. Bats-toi, résiste, et ton droit de penser. Bats-toi, résiste, laisse le silence exister. Mais quand viendra le temps de la récolte? Mais quand viendra le vent de la révolte? Où seras-tu? Qui seras-tu? Et seras-tu? Et quand viendra le temps de la récolte? Et quand viendra le temps?